et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dubrier et Serge Martel. Avec Pierre Santini, dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 13e épisode, le carnaval de Rome. Après avoir passé une nuit sous le charme des paradis artificiels, Franz retrouve à Rome son ami Albert. Au cours d'une visite qu'ils font du Colisée, dans les parages duquel le fameux bandit Luigi Vampa impose, paraît-il, sa loi, Franz est le témoin involontaire d'un mystérieux rendez-vous entre deux hommes. Et, à sa grande stupéfaction, il reconnaît la voix de l'un d'eux, c'est celle de Simbad le marin. Nous sommes le 22 février 1838. J'ai eu toutes les peines du monde à parler à Beppo. Et qu'avez-vous appris ? Il y aura deux exécutions mardi à 2h, comme c'est l'habitude à Rome lors des ouvertures de grandes fêtes. Un condamné sera Mazzolato. C'est un misérable qui a tué un prêtre qui l'avait élevé et qui ne mérite aucun intérêt. L'autre sera Decapitato. Et celui-là, c'est le pauvre Peppino. Et que voulez-vous, mon cher ? Vous inspirez une si grande terreur, non seulement au gouvernement pontifical, mais encore au royaume voisin. Qu'on veut absolument faire un exemple. Mais Peppino ne fait même pas partie de ma bande. C'est un pauvre berger qui n'a commis d'autre crime que de nous fournir des vivres. Ce qui le constitue parfaitement, votre complice. Je suis disposé à tout pour empêcher l'exécution du pauvre diable. Par la Madone, je me regarderais comme un lâche si je ne faisais pas quelque chose pour ce brave garçon. Et que ferez-vous ? Je placerai une vingtaine d'hommes autour de l'échafaud. Et au moment où on l'amènera, au signal que je donnerai, nous nous élancerons le poignard au poing sur l'escorte et nous l'enlèverons. Cela me paraît fort chanceux. Je crois décidément que mon projet vaut mieux que le vôtre. Et quel est ce projet, Excellence ? Je donnerai 10 000 piastres à quelqu'un que je sais et qui obtiendra que l'exécution soit remise à l'année prochaine. Puis, dans le courant de l'année, je donnerai 1 000 autres piastres à un autre quelqu'un que je sais encore et ferai évader votre Peppino de prison. Vous êtes sûr de réussir ? J'en ferai plus, à moi seul, avec mon or, que vous et tous vos gens, avec leurs poignards, leurs pistolets et leurs tromblons. Laissez-moi donc faire. Si vous échouez, nous nous tiendrons toujours prêts. Si c'est votre plaisir. Mais soyez certain que j'aurai sa grâce. Et comment le saurons-nous ? J'ai loué les 3 dernières fenêtres du café Rospoli. Si j'obtiens le sursis, les 2 fenêtres du coin seront tendues en damas jaune, mais celle du milieu sera tendue en damas blanc, avec une croix rouge. Bien. Et Excellence. Excellence, si vous sauvez Peppino, ce sera plus que du dévouement. À l'avenir, ce sera de l'obéissance. Fais attention à ce que tu dis là. Je te le rappellerai peut-être un jour, car peut-être un jour, moi aussi, j'aurai besoin de toi. Franz ! Où êtes-vous ? Qu'est-ce que c'est ? Des voyageurs qui visitent le Colisée, au flambeau. Séparons-nous. Il est inutile qu'ils nous trouvent ensemble. À bientôt. Adieu, Excellence. Je compte sur vous. Comptez sur moi. Franz ! Mais où êtes-vous ? Que faites-vous ? Par ici ! Albert ! Albert, par ici ! Seriez-vous devenu sourd, mon cher ? Pas le moins du monde. Alors, à quoi étiez-vous occupé ? Je vous raconterai cela en chemin. Étiez-vous sous le charme d'une jolie romaine ? Hélas, non. Dommage pour vous. Quant à moi, cette promenade au flambeau m'a ravi. Plus le temps passe et plus je trouve Rome à mon entière convenance. Tiens, à ce propos, n'oubliez pas que nous avons des invitations au théâtre pour demain soir. On y donne l'un des meilleurs opéras de Donizetti, Parisina, chanté par Coselli, Moriani et Specchi. Une vraie soirée de gala. J'en conviens. Mais, Albert, pourquoi avez-vous dit « à ce propos » Parce que ce serait bien le diable si je ne découvrais pas au premier rang d'une loge la brûlante italienne dont j'aimerais évoquer le souvenir à Paris. Divine apparition. Où cela, vicomte ? Ne faites pas l'innocent, j'ai suivi votre regard. Et ne mentez pas, vous connaissez cette femme, n'est-ce pas ? Oui. Comment la trouvez-vous ? Vous me le demandez ? Charmante, mon cher. Et blonde. En les admirables cheveux. C'est une Française ? Non. Bien que j'aie eu l'honneur de lui être présentée à Paris, c'est une Vénitienne. Et vous l'appelez ? La comtesse Gasparini. Mais je la connais de nom. Parbleu, quand je pense que j'aurais pu me faire présenter à elle au dernier bal de Madame de Villefort. Je suis un grand nul. Voulez-vous que je répare ce tort ? Comment vous la connaissez assez intimement pour me conduire à sa loge ? J'ai eu l'honneur de lui parler 3 ou 4 fois dans ma vie. Aussi, je crois... Heureux homme. Regardez. Elle vous a reconnu, elle vous fait signe de la main. Vous êtes donc au mieux avec elle. Nous nous sommes trouvés en sympathie. Voilà tout. En sympathie de cœur ? Non, non. D'esprit. Et à quelle occasion ? Une promenade au Colisée. Au clair de lune ? Oui. Seul ? À peu près. Et vous avez parlé ? Des morts. Ah ! C'était en vérité fort récréatif, et bien moi, si j'avais le bonheur d'être le cavalier de la belle comtesse dans une pareille promenade, je ne lui parlerais que des vivants. Mmh, mmh. Vous aurez peut-être tort. En attendant, vous allez me présenter à elle comme vous me l'avez promis. Aussitôt la toile baissée. Entrez, baron. Je ne me trompe pas, c'est bien vous. Oh, comtesse, comment pourrais-je résister au plaisir de vous présenter mes hommages ? Et je l'eusse fait plus tôt si j'avais su que vous étiez à Rome. Je vous en prie. Permettez-moi de vous présenter l'un des plus brillants jeunes hommes de Paris. Mon ami, le vicomte Albert de Morcerf. Madame. Asseyez-vous près de moi, vicomte. Vous aussi, baron. Merci, comtesse. Allons, vicomte, donnez-moi donc des nouvelles de Paris. Le théâtre. Il est entre les mains des romantiques, madame. Et la bataille fait rage entre... Excusez-moi, Albert. Voulez-vous me prêter votre lorgnette, comtesse ? Ah, je vois, mon cher baron, que pour vous aussi, la loge d'en face présente quelques attraits. Que voulez-vous dire ? Voyez-vous-même, tous ces regards d'hommes tournés vers elle. Oh ! Ah, Dieu ! Qu'elle est belle ! N'est-ce pas ? Médora devait ressembler à cette femme. Qui est donc cette belle Albanaise ? Et l'homme dont j'aperçois la silhouette derrière elle ? Tout ce que je sais, c'est qu'elle est à Rome depuis le commencement de la saison. Depuis un mois, elle n'a pas manqué une seule représentation. Toto accompagné de l'homme qui est avec elle en ce moment, Toto suivi d'un domestique noir. Mm-hmm. Est-ce son mari, cet homme ? Je l'ignore. Oh. Oh, il se penche vers elle. Je vais peut-être réussir à voir son visage. Si vous le voyez, vous penserez sans doute comme moi que ce doit être quelque nouveau déterré. Quelque trépassé sorti du tombeau avec la permission du fossoyeur. Oh, certes, vous avez raison, comtesse. Car il m'a semblé extrêmement pâle. Il est toujours comme cela. Vous le connaissez donc ? En certaines circonstances, il se fait appeler Simbad le marin. Quoi, serait-ce là votre hôte mystérieux de l'île de Monte Cristo ? En personne, mon cher. Le lendemain, 24 février 1838, à l'hôtel de Londres. Oui, entrez. Ah, c'est vous, maître Pastrini. Alors, à défaut de calèche, nous avez-vous trouvé un tilbury, un phaéton ? Un char à banc, une charrette à bœufs. Pour le début du carnaval. Mieux que cela, messieurs, mieux que cela. Prends des gardes, mon cher hôte, le mieux est l'ennemi du bien. Que vos excellences s'en rapportent à moi. Nous vous écoutons. Il y a là, derrière cette porte, un domestique en livrée qui demande à parler à vos excellences de la part de son maître. Et qu'est-ce que c'est que son maître ? Votre voisin d'étage. Ah, celui à qui nous devons d'être logés comme deux étudiants de la rue Saint-Nicolas du Chardonnay. Oui, monsieur le baron, oui, un grand seigneur siciliano maltese, je ne sais pas au juste, mais noble comme un borghese et riche comme un mine d'or. Mm-hmm. Son nom ? Il comte de Monte Cristo. Monte Cristo ? Oh, ça alors ? Oh, quelle coïncidence ! Décidément, mon cher Franz, ce nom-là vous poursuit. Oui, le hasard. Sans aucun doute. Mais dites-moi, maître Pastrini, si. Quel rapport y a-t-il entre cette calèche que nous espérons obtenir par vos soins et ce comte de Monte Cristo ? Ah, si seulement vos excellences voulaient bien me dire ce que je dois faire de ce domestique en livrée qui attend là, derrière cette porte. Bien, faites-le entrer. Par ici, mon ami, entre. Messieurs. De quoi s'agit-il, mon brave ? Mon maître, le comte de Monte Cristo, sachant l'embarras dans lequel se trouvent monsieur le vicomte de Morcerf et monsieur le baron d'Épinay, m'a chargé de leur dire que pour le carnaval, il leur offrait deux places dans sa voiture et deux places à ses fenêtres du café Rospoli. Qu'en pensez-vous, Franz ? Devons-nous accepter l'offre de cet étranger, d'un homme que nous ne connaissons pas ? Monsieur le comte de Monte Cristo, faites également demander à ces messieurs la permission de se présenter en voisin demain matin chez eux. Il a l'honneur de demander à ces messieurs à quelle heure ils seront visibles. Ma foi, mon cher Franz, il n'y a rien à y reprendre. Tout y est. Dites au comte que c'est nous qui aurons l'honneur de lui faire notre visite. Bien, messieurs. Mmh. Entrez. I signori francesi. Si monsieur le vicomte et monsieur le baron veulent bien me suivre. Si ces messieurs veulent s'asseoir, je vais prévenir monsieur le comte. Quel luxe, quel raffinement. Ces tableaux, ces tapisseries, ces tapis turcs. Sommes-nous encore à l'hôtel de Londres? Voulez-vous que je vous livre le fond de ma pensée? Je jurerais me retrouver dans ce palais souterrain de... Soyez les bienvenus dans ce modeste appartement. Encore lui, Simbad le marin. Nous avons le baron d'Épinay et moi mille remerciements à vous présenter, comte. Cet imbécile de Pastrini ne m'avait pas dit un mot de votre embarras, moi qui ne cherchais qu'une occasion de faire connaissance avec mes voisins. J'ajoute que s'il était en mon pouvoir de vous rendre service en d'autres domaines, vous m'en verriez enchanté. Dans ce cas, comte, j'aurais la hardiesse de vous demander s'il vous serait possible de nous procurer un posto qualunque, enfin un poste quelconque, comme on dit en Italie, sur la place del Popolo. Ah oui, oui c'est vrai. N'y a-t-il pas sur cette place quelque chose comme une exécution? Si, si, en effet. Du moins, c'est ce que nous en a dit Pastrini. Attendez, attendez, je vais sonner mon intendant. Je crois bien lui avoir dit hier de s'occuper de cela. Peut-être pourrais-je encore vous rendre ce petit service. Entrez. Monsieur Bertuccio, vous êtes-vous occupé, comme je vous l'avais ordonné, de me procurer une fenêtre sur la place del Popolo? Oui, Excellence, mais il était bien tard. Comment ne vous ai-je pas dit que je voulais en avoir une? Aussi, Votre Excellence a-t-elle une fenêtre? Mais j'ai été obligé de la payer sans... C'est bien, c'est bien, je... Donnez l'adresse de la maison au cocher et tenez-vous sur l'escalier pour nous conduire. Ah, monsieur Bertuccio, vous êtes-vous procuré la tavoletta? La voici, Excellence. Cela suffit, allez. La tavoletta? Qu'est-ce donc? C'est en quelque sorte le programme des exécutions. C'est aussi pour les fidèles une invitation à prier Dieu de donner aux coupables un repentir sincère. Voyons, que nous promet cette tavolette? Seront exécutés aujourd'hui, 25 février 1838, le nommé Andrea Rondolo, coupable d'assassinat sur la personne très respectable de Don César Torlini, chanoine de l'église Saint-Jean de Latran. Et le nommé Peppino di Rocca Priori, convaincu de complicité avec le détestable bandit Luigi Vampa et les hommes de sa troupe. Le premier sera Mazzolato, le second Decapitato. Mazzolato? Mais le bourreau assomme le condamné d'un coup de massue, puis il lui tranche la gorge et lui piétine le ventre. Quel horrible raffinement. Et vous avez éprouvé du plaisir à assister à ce genre de spectacle? Mon premier sentiment était la répulsion, le second l'indifférence, le troisième la curiosité. Curiosité? Le mot est terrible. Pourquoi? Il n'y a guère dans la vie qu'une préoccupation grave, c'est la mort. Et je prétends que plus on l'a vu mourir, plus il devient facile de mourir. Aussi, à mon avis, la mort est peut-être un supplice, mais elle n'est pas une expiation. Allons, messieurs, il est l'heure. Ah, j'oubliais. Je crois que, depuis hier, il est survenu quelques changements dans l'ordre et la marche de la cérémonie. Tiens, cela peut donc arriver? Oui. Hier, chez le cardinal Rospigliosi, où j'ai passé la soirée, il était question de quelque chose comme d'un sursis accordé à l'un des condamnés. À Andrea Rondolo? Non. À l'autre. Messieurs, je vous en prie, prenez place. J'ai quelques ordres à donner à M. Bertuccio et je reviens dans un instant. Alors, mon cher Albert, Je pense que tout ceci se passe de commentaires. Vous avez deviné qui est le comte de Monte Cristo? Parfaitement. Si je me réfère à ce que vous m'avez raconté de votre séjour dans l'île, notre hôte n'est autre que Simbad le marin. Et c'est aussi l'inconnu du Colisée. Regardez. Regardez là-bas, ces trois fenêtres. Les deux de côté sont bien tendues de damas jaunes. Et celle du milieu, de damas blanc, avec une croix rouge. Le signal qu'il a donné à l'homme qui l'attendait au Colisée, n'est-ce pas? Oui. Voici la charrette des condamnés. Voyez, ils sont deux. Oh, le comte n'aurait-il pas réussi? Ni moi, ni le spectacle ne vous auront fait attendre trop longtemps, je pense. Car ce tambour nous annonce l'entrée des acteurs du drame. Ne nous aviez-vous pas dit qu'il n'y aurait qu'une exécution? Je vous ai dit la vérité. Cependant, ils sont deux dans la charrette. Oui. Mais de ces deux condamnés, l'un touche à la mort, et l'autre a encore de longues années à vivre. Il me semble, comte, que si la grâce doit venir, il n'y a plus de temps à perdre. Aussi la voilà qui vient. Ce pénitent qui gravit les marches de l'échafaud et qui, en levant la main, va imposer silence à la foule. Le Seigneur soit béni. Le Seigneur soit béni. Et sa sainteté soit louée. Et sa sainteté soit louée. Il y a grâce de la vie pour l'un des condamnés. Grâce! Il y a grâce! Grâce pour qui? Il y a grâce de la peine de mort pour Peppino di Roccapriori. Oh! C'est horrible. Venez, messieurs. Le spectacle est terminé. J'ai demandé à M. Bertuccio de vous préparer deux verres pleins de marasquin. Très vieux. Très fort. Tenez, messieurs. Voici de quoi combattre votre pâleur. Il me semble que je sors d'un cauchemar. Effectivement, c'en est un pour vous. Mais pour le condamné, le grand sommeil. Et Peppino? Il a profité du tumulte. Il s'est glissé dans la foule et a disparu sans même remercier ce digne moine, porteur de sa grâce. Décidément, l'homme est un animal fort ingrat et fort égoïste. Mais que tout ceci ne nous fasse pas oublier que le carnaval vient de commencer. Maître Pastrini m'a dit que vous n'aviez pas de travesti. En voici. Habillons-nous, messieurs. Habillons-nous. Messieurs, quand vous serez là d'être acteur du carnaval et que vous voudrez redevenir spectateur, vous savez que vous avez place à mes fenêtres. En attendant, disposez de mon cocher, de ma voiture et de mes domestiques. Amusez-vous, messieurs. En route, cocher. Dites-moi, mon cher Albert, vous n'avez rien remarqué? Oh, si, beaucoup de choses. Je veux dire, venant du comte de Monte Cristo. Mais c'est ce que je veux dire aussi. Oh, regardez ces jolies fausses paysannes. Mais alors, dans ce cas, vous avez certainement noté l'insistance avec laquelle il vous regarde toujours. Ah oui, qui? Oh, mais voyons, Albert, le comte. Ah non. Oh, là, mes belles! Attrapez ce bouquet! Je jurerais qu'en vous, il voit quelqu'un d'autre. Mais que les vous imaginez? Essayons plutôt de rattraper ces jolies filles. Allez, cocher! Allez! Droit sur cette calèche toute chargée de paysannes romaines! voyez celle-ci qui serre sur son cœur le bouquet que je lui ai lancé tout à l'heure. Comme c'est dommage qu'elle soit masquée. Sur son rire, je parierais qu'elle est la plus jolie du lot. Mon cher, voilà un commencement d'aventure. Oh, par Dieu, je crois bien. Oh, c'est qu'elle me relance son bouquet. N'est-ce pas un signe de reconnaissance? Bravo, bravo, voilà qui se prépare à merveille. Voulez-vous que je vous quitte? Vous est-il plus agréable d'être seul? Non, non, non, ne brusquons rien. Je ne veux pas me laisser prendre comme un sourd à la première démonstration, à un rendez-vous sous l'horloge, comme nous disons pour le bal de l'opéra. Si la belle paysanne a envie d'aller plus loin, elle me trouvera bien. En vérité, mon cher Albert, vous êtes sage comme Nestor et prudent comme Ulysse. Si votre Circé parvient à vous changer pour une bête quelconque, il faudra qu'elle soit bien adroite ou bien puissante. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, un billet. Épinglé ou bouquet? Qu'en dites-vous? Je dis que votre Circé ne perd pas de temps. Demain soir, à 7h, descendez de votre voiture en face de la Via dei Pontifici et suivez la paysanne romaine qui vous arrachera votre moccoletto. Lorsque vous arriverez sur la première marche de l'église San Giacomo, ayez soin pour qu'elle puisse vous reconnaître de nouer un ruban rose sur l'épaule de votre costume de paillasse. D'ici là, vous ne me verrez plus. Constance et discrétion. Que pensez-vous de cela, France? Je pense que l'aventure semble vouloir prendre un tour fort agréable. C'est aussi mon avis. Mais n'oubliez pas que demain soir, le duc de Bracciano, le célèbre banquier romain qui me fait l'honneur de me compter au nombre de ses amis, nous a invités à son bal. J'ai grand peur que vous n'y alliez seul. Non, non, non, non, non. Prenez garde, Albert. Toute l'aristocratie sera chez le duc. Et si votre belle inconnue est véritablement de l'aristocratie, elle ne pourra se dispenser d'y paraître. Qu'elle y paraisse ou non, je m'en moque. Et je persiste à la trouver très attachante. Ah ah. Ce qui veut dire que j'irai à son rendez-vous. Et advienne que pourra. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 13e épisode, Le Carnaval de Rome. Avec Edmond Dantès, alias Simbad le Marin, Pierre Santini. Vampa, Maurice Sarfati. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Bertuccio, André Weber. Le domestique, Louis Amiel. Franz d'Épinay, Jean-Pierre Leroux. La comtesse Gasparini, Lisbeth Heul. Maître Pastrini, Albert Medina. Le pénitent, Georges Beauvilliers. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 29 octobre 1980. Vous pouvez le télécharger, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. À suivre demain à la même heure.